la pause, clic-clac Kodak, la magie opère. L'histoire du photomaton, c'est d'abord une attraction installée à la Foire du Trône en 1936. Pour la première fois, les Parisiens peuvent se prendre en photo dans des cabines individuelles et pas chères. On a le droit à 4 poses différentes avec souvent des clichés ratés, mais c'est bien ça qui fait le charme des photomatons. Passeport, carte d'identité, 80% des photos prises dans les cabines le sont dans le cadre de démarches administratives. Alors, quand en 1993, un projet de directive européenne stupide, pour plus de flicage sans doute, impose aux mairies de faire les photos officielles. Les photomatons ont failli disparaître. Heureusement, les députés français, vent debout, ont résisté. Nous avons obtenu du gouvernement le retrait des appareils photos des mairies, ce qui nous a permis à nouveau de retrouver notre métier et de pouvoir faire des photos d'identité pour les documents officiels, passeport et carte nationale d'identité. Au début des années 80, l'écrivain Michel Folco est intrigué par un nombre important de photos d'un homme. Les clichés sont jetés et déchirés aux abords des photomatons de Paris. Un jour, il reconnaît cet homme à la sortie d'une cabine. L'écrivain découvre qu'il s'agit d'un technicien de maintenance qui contrôlait les appareils. Le réalisateur Jean-Pierre Jeunet s'inspirera de cette histoire dans le film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ». Quant à Pascal, un Parisien de 65 ans, il se photographie tous les mois dans un photomaton depuis 1972. 50 années de métamorphose. Je me dis, ah, j'étais pas mal à cette époque-là. Mais je dirais même que des fois, ça dépend des moments, mais c'est pas moi que je vois. C'est quelqu'un d'autre. Vous l'avez sans doute remarqué, les photomatons se sont payés un relooking signé du designer Philippe Stark. Terminer le tabouret ajustable, c'est l'objectif qui se met à la hauteur du modèle photographié. Et alors que l'on attendait des plombes pour se faire tirer le portrait, désormais, il suffit, c'est un record, de 10 secondes pour obtenir les précieuses photos. On n'arrête jamais le progrès. Merci qui ? Ho ! Merci Paris ! Oui, mais ces photomatons dont il fallait tourner le tabouret avaient leur charme aussi. Merci beaucoup Thierry Boeuf. Demain, Thierry vous racontera cette fois la rotonde de la Villette dans le 19e arrondissement, toujours à 17h45 sur France Bleu Paris. Allez, on continue, il est temps de jouer. Mais oui, je vous l'ai promis et je vous pose la question qui vous permet d'être sélectionné pour le tirage de lundi à 14h50. En jeu cette semaine, vous le savez, une carte carburant de 150 €. Ça va faire du bien aux gagnants, hein, autant vous le dire. Donc vous avez vraiment toutes les occasions. Nous vous proposons un maximum d'occasions pour faire partie de cette liste. Par exemple, en répondant à cette question qui concerne encore le musée de l'air et de l'espace où se trouve David Kolski cet après-midi. Dans la grande galerie du musée de l'air et de l'espace, vous verrez le médaillon des frères Montgolfier. Quels étaient leurs prénoms ? Pierre et Antoine ou Joseph-Michel et Jacques-Étienne ? Pierre et Antoine ou Joseph-Michel et Jacques-Étienne ? Indice, nombreux. 01 42 30 10 10, Caroline vous attend, allez-y, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et puis surtout, tentez votre chance, hein. C'est important quand même, je vous rappelle qu'il y a en jeu une carte de carburant d'un montant de 150 € à gagner évidemment, donc ce sera lundi à 14h50 aux côtés de Catherine Quicandon. Il ne vous reste plus qu'à jouer, 01 42 30 10 10. En attendant, voici Jean-Jacques Goldman et Envole-moi sur France Bleu Paris. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux.

said. Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back. Hit the road, Jack. C'était bien sûr Ray Charles sur France Bleu Paris. 17h56, nous partons dans l'Oise, à la Lande en Son, où nous attend Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Comment ça va Anne? Ça va très bien, c'était pour répondre à la question. Oh bah, vous êtes à la bonne adresse hein, pour répondre à la question. Bah oui. Dites-moi, vacances ou pas vacances pour vous Anne? Non, pas de vacances, mais une cure en octobre. Ah, vous partez de quel côté pour la cure? À Bagnoles-de-l'Orne, ça sera la première, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Bah, normalement, vous devriez être comme un coq en pâte, hein, comme on dit. Hein. Ah, au plus c'est l'arrière-saison, ça sera sympa. Voilà, en plus. Ma chère Anne, je posais une question qui concerne les frères montgolfiers, les célèbres frères montgolfiers, c'est pas facile à dire, mais je vous ai demandé quels étaient leurs prénoms, je vous ai donné deux propositions. C'est Joseph et Jacques-Étienne. Voilà, eh ben c'est la bonne réponse. Joseph, Michel et Jacques-Étienne, c'est pour ça que je vous ai dit nombreux, parce que ça fait beaucoup de prénoms quand même. Hein. À eux deux, ils en ont quatre. C'est clair. Et encore. Et puis, ils étaient nos nombreux enfants en plus. Mais c'est ça. Vous savez combien? Je crois 10, plus de 10, je me souviens, mais le nombre exact, je me souviens plus. 16. 16 enfants dans la famille montgolfier. Donc, s'ils donnaient des doubles prénoms, des prénoms composés à chacun des enfants, dites donc. Quand on fait l'appel à la maison, ça doit être un peu bizarre. Bah, en tout cas, vous avez donné la bonne réponse, ce qui veut dire que vous êtes sélectionné pour le tirage de lundi à 14h50 aux côtés de Catherine Quicandon. Si vous avez la chance d'être l'heureuse gagnante, les 150 euros de carburant seront pour vous. Et ça vous permettra peut-être de faire une petite escapade. Vous qui non plus n'êtes pas partie en vacances et ne partirez pas en dehors de la cure, évidemment. Anne, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et bonne fin de soirée à vous aussi. À très bientôt. Au revoir. Et nous continuerons d'ici quelques minutes. Vous savez que nous repartirons aux côtés de David Kolski, du côté du musée de l'air et de l'espace. À tout à l'heure sur France Bleu Paris. Ma France sur France Bleu. Même en été. Bonjour. Robin Bernot. Ce jeudi midi, Ma France l'été, la grande tournée estivale des stations locales de France Bleu pose son sac à dos à Châteauroux. Depuis France Bleu Berry, on va redécouvrir ensemble les départements de l'Indre et du Cher. On évoquera entre autres le bicentenaire de la naissance de Maurice Sand. Rendez-vous dès midi en direct et toute la journée en podcast. Ma France l'été, le Tour de France des radios France Bleu, demain dès midi. France Bleu. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Paris. Et on y est bien sur France Bleu Paris. Bon après-midi, il est 18h. Les infos, c'est tout de suite avec Thomas Giraudeau. C'est l'incendie le plus meurtrier depuis 2016. 11 personnes ont perdu la vie ce matin à Winsenheim, à côté de Colmar, en Alsace. Le feu a détruit une grande partie d'un gîte dans lequel des adultes en situation de handicap et leurs accompagnateurs passaient quelques jours de vacances. Margot Steve, d'après les premiers éléments de l'enquête, le feu a sûrement couvé plusieurs heures avant que l'alerte soit donnée. Oui, un feu qui a vraisemblablement pris au premier étage du bâtiment et qui a couvé plusieurs heures avant d'embraser la structure de ce gîte traditionnel, principalement composé de bois. Les pompiers sont arrivés vers 6h45, 14 minutes après avoir été alertés. À ce moment-là, 17 personnes ont déjà pu s'échapper, principalement celles qui dormaient au rez-de-chaussée. 11 autres, en revanche, ont été piégées par les flammes à l'étage. Toutes sont décédées. La priorité, c'est désormais d'identifier formellement ces victimes. Les corps vont être scannés dans la soirée, des analyses ADN réalisées. L'enquête doit maintenant déterminer l'origine de l'incendie, savoir également si le bâtiment était suffisamment sécurisé. utilisés. Si les lieux, par exemple, pouvaient accueillir autant de personnes, si des issues de secours étaient accessibles ou si une alarme incendie était installée. L'enquête est pour l'instant ouverte en recherche des causes de la mort. Si des erreurs ont été commises, des poursuites pour homicide involontaire pourront être envisagées. Et sur place cet après-midi, la première ministre Elisabeth Borne parle d'un drame épouvantable. L'émotion est évidemment forte à Winsenheim. Écoutez Samia, une habitante de la ville. Moi j'en ai pleuré ce matin. Quand j'ai appris ça et qu'il y avait des décès, ça m'a touché. En fait ce matin, il y a ma belle-fille qui est venue me réveiller en me disant voilà qu'il y avait le feu. C'est triste en fait. Qu'ils étaient pris au piège et que je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un pour les aider ou pour les secourir, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Effectivement, 17 personnes ont pu quitter le gîte avant que les pompiers arrivent, mais les 11 autres personnes ont malheureusement perdu la vie. Les pompiers n'ont pas pu les secourir. En Lorraine, l'émotion est aussi forte puisque 8 personnes venues de la région et notamment de Nancy ont péri dans l'incendie. Le maire de Nancy, Mathieu Klein, rend hommage aux victimes. C'est bien sûr un choc, une très profonde tristesse face à la tragédie qui est survenue ce matin dans le Haut-Rhin. Nous sommes évidemment aux côtés des familles, aux côtés des professionnels des différentes associations et structures qui ont envoyé de leurs résidents dans ce centre de vacances. Je veux aussi dire que nous savons à quel point il est difficile d'organiser des vacances et du répit pour les personnes handicapées parfois. Donc c'est une tragédie d'autant plus bouleversante que ce sont des personnes qui sont souvent en grande fragilité. La réaction du maire de Nancy recueillie par France Bleu Sud-Lorraine. Retrouvez sur notre site francebleu.fr un article complet avec les dernières informations sur ce drame. Bison Futé vient de publier ses prévisions de circulation pour ce week-end. Vendredi, ce sera orange dans le sens des départs et rouge samedi. Et pour ceux qui retournent au travail, quelques galères à prévoir. La journée de samedi est aussi classée orange dans le sens des retours et même rouge sur le quart nord-ouest. La planète rouge, Mars, justement, a-t-elle abrité la vie? La question occupe les scientifiques depuis des années. Récemment, un robot chinois a découvert sur le sol martien des traces d'eau liquide. Eh bien, cette fois, ce sont des chercheurs de Toulouse qui apportent de nouveaux indices. Mars a pu connaître un climat saisonnier propice à l'apparition de la vie, Boris Allier. Les scientifiques ont observé les images transmises par Curiosity, ce robot qui explore depuis plus de 10 ans un immense cratère de la planète Mars. Et bien, en analysant finement ces clichés, ils ont remarqué d'étranges motifs sur le sol martien. William Rapin, astrophysicien au micro de France Bleu Occitanie. On a trouvé quelque chose d'un peu spécial qui nous a beaucoup surpris. Ces craquelements fossiles dans la roche sédimentaire. Ils sont de forme hexagonale. Parce que ces craquelements étaient répétés saisonnièrement. Cette terre craquelée ressemble à ce que l'on peut trouver sur notre planète dans certaines régions arides, frappées par la sécheresse. Sauf que sur Mars, les morceaux de roche ont près de 4 milliards d'années. C'est selon les scientifiques la preuve que la planète rouge a connu, dans un lointain passé, des alternances de saisons sèches et humides propices à la vie. Pour l'instant, on n'a aucune preuve que la vie a réussi à apparaître sur Mars. Mais par contre, on a la preuve géologique de cette saisonnalité, de ce cyclage, qui nous permet de penser que la matière organique devait s'auto-organiser pour former des êtres vivants. Et l'analyse de cette roche martienne pourrait également nous donner des informations sur l'apparition de la vie sur Terre. Quand les recherches spatiales éclairent notre présence sur Terre, merci Boris Allier. Les Marseillais retournent aux choses sérieuses avant même le début de la saison de Ligue 1. Ils se déplacent à Athènes pour affronter le Panathinaikos ce soir. C'est le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 20h et match retour au Vélodrome mardi prochain. Enfin, une nouvelle médaille qui lance idéalement les vététistes aux Mondiaux de Glasgow. L'équipe de France a décroché l'argent cet après-midi sur le relais mixte. Il termine à seulement 9 secondes des Suisses ultra favoris. FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. Sophie, le soleil reste encore demain dans la région. Oui, il sera plus important encore qu'aujourd'hui, c'est-à-dire il va s'installer, nous dit Météo France. Les éclaircies seront beaucoup plus larges. Alors oui, nous aurons encore quelques petits passages nuageux, mais rien de comparable avec ces jours derniers. Et des températures qui seront en hausse. Demain matin, vous aurez par exemple, si vous êtes à Courbevoie, 18 degrés, Saint-Maur-des-Fossés 17, Drancy 16 degrés, Évry-Courcouronne 17, Sarcelles 18 degrés, Meaux 18. Meaux 17, pardon, Sartrouville 16 et Paris 18 degrés. Les températures pour demain après-midi à Paris seront de l'ordre de 28 degrés. Donc vous voyez, on revient enfin vers l'été, en tout cas pendant quelques jours, nous dit Météo France. En ce qui concerne le trafic et la circulation, alors on a quelques difficultés à vous signaler. J'ai 93 km de bouchons sur mon écran. Je voulais vous parler d'un accident qui a eu lieu il y a quelques minutes. C'est sur la 115, attention, au nord de Paris, hein, dans le tunnel de Taverny, en direction de la province. Deux voitures sont impliquées dans un accident. Pas de voie fermée, mais attention, prudence. Au-dessous, une voiture est en panne sur la 15 en direction de la province à Gennevilliers vers Orgemont. Et là, la voie centrale, attention, la voie centrale est fermée. Nous avons un accident sur la 3 vers Paris à Bondy. Deux voitures sont impliquées, la voie de gauche est fermée à la circulation et puis tout au sud de Paris, une voiture est en panne sur la 6B en direction de Paris à Arcueil vers la porte d'Italie. Pas de voie fermée, mais attention, on lève le pied, on est prudent et en cas de difficulté, on fait un petit coucou à France Bleu Paris, 01 42 30 10 10. France Bleu Paris, le 16-19, Sophie Scarpula. Tout l'été, et a priori vous aimez beaucoup, David Kolski nous fait découvrir les meilleures idées de sortie en famille, avec enfants, petits-enfants ou en duo ou même en solo. Il y a énormément de lieux, de sites dont il faut profiter en Ile-de-France. Aujourd'hui David, vous êtes au Musée de l'air et de l'espace hein, en Seine-Saint-Denis. Mais j'ai une question pour vous, est-ce que vous êtes prêt à vous envoler du côté du Bourget, David ? Ça me tente bien, hein ? Ah oui, ça me tente bien parce que je suis sur le tarmac et là il y a plein d'avions autour de moi. Alors il y en a des gros, il y en a des plus petits, il y en a des très très gros, il y a des avions de chasse, enfin, il y a énormément d'avions autour de moi, hein. Une collection incroyable ici au Musée de l'air et de l'espace du Bourget sur le tarmac, et on en parle avec Marion Vécarlet qui est chargée de la collection d'avions. Combien il y en a en tout là ? Alors on expose une quinzaine d'avions sur le tarmac ainsi que deux maquettes des fusées Ariane 1 et 5. Ah oui c'est ça, les grands trucs que je vois là, bah oui effectivement ce sont des fusées, mais ils sont gros quand même les avions hein. Ah tous à échelle 1. Ouais, d'accord, c'est tous des vrais avions, on est d'accord hein. Tous des vrais, sauf les deux maquettes d'Ariane, mais qui sont à la bonne taille aussi. Ah, c'est vrai, c'est vraiment la taille d'Ariane, ça. Ouais, absolument. Bon, on va aller voir de plus près, on vit ça en direct. Bon, moi, je suis plus branché avion que fusée, parce que ça me fait un petit peu peur, même si j'ai fait en début d'émission ma formation astronaute, hein, ici, au Musée de l'air et de l'espace. À tout de suite. C'était impressionnant. Et oui, pour info, les trucs s'appellent des fusées, hein, David. Je vous le dis, ça peut servir, hein, si vous voulez être astronaute, effectivement. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes, puisque nous poursuivrons cette balade avec vous, mais je rappelle qu'avant 18h30, je vous poserai une nouvelle question, non pas de curiosité, mais parce qu'une bonne réponse vous permettrait d'être sélectionné d'office pour le tirage de lundi à 14h50. En jeu, une carte de carburant d'un montant de 150 €. C'est un petit peu dingue hein, comme cadeau par les temps qui courent, je trouve, mais on est là pour vous faire plaisir, pour vous donner un petit coup de pouce, alors ne vous éloignez pas. Surtout, n'hésitez pas à tenter votre chance. Et puis, je vous propose en attendant un duo ami à la scène comme à la ville. C'est Axel Bauer et Zazie à ma place sur France Bleu Paris. Serait-elle à ma place plus forte qu'un homme au bout de ses impasses où elle m'abandonne? Vivre l'enfer, mourir au combat, faut-il pour lui plaire aller jusque-là? Se peut-il que j'y parvienne? Qu'on nous pardonne, ce petit. que je ne suis pas. Je veux bien tenter. Axel Bauer, texte Zazie. Figurez-vous que ce titre s'est vendu à près de 500 000 exemplaires. Il a donc été certifié disque d'or, comme on dit. À noter que ce dimanche, j'en profite, vous pourrez découvrir la playlist d'Axel Bauer, sans Zazie, mais quand même très bien Axel Bauer. Rendez-vous à 13h samedi. Zazie et Axel Bauer, dans les souvenirs, c'était à ma place sur France Bleu Paris. Il est temps de retourner au musée de l'air et de l'espace, et sans se faire prier en plus, puisque c'est le lieu que vous avez choisi de nous faire découvrir, hein, David. J'ai envie de vous dire que c'est pas seulement un musée, parce que ici il y a des expositions vraiment immersives, participatives, et puis surtout quand on est sur le tarmac, comme là à l'heure actuelle avec Marion Vécarlet qui est chargée de la collection d'avions, il y a plein d'avions autour de nous, mais il y en a qui se déplacent, qu'on est en train de tirer avec des gros engins, d'autres qu'on entretient. Je vois des gens avec des gilets jaunes qui vont d'un avion à un autre. C'est vraiment vivant sur ce tarmac en permanence. En effet, notre tarmac vit. Les avions ne sont pas complètement statiques, dans le sens où on peut être amené à les rouler en fonction des besoins. Et aussi, on en rajoute. Donc, on est en train de rajouter des avions. On en rajoute de temps en temps, comme il arrive qu'on en reçoive des nouveaux, comme le Transal Gabriel. Donc, on va rajouter des petites surprises pendant l'été sur le tarmac. Ah ouais, donc faut venir plusieurs fois finalement. Là, on voit un très gros avion. C'est quoi celui-ci là avec marqué Air France dessus? J'ai cité une marque, mais en même temps, c'est ce qu'il y a écrit dessus. Hein. Alors celui-là, c'est le Boeing 747 qui est visitable toute l'année. Et on peut visiter l'intérieur, on voit vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, les sièges, tout en fait dans l'avion, il me semble, hein, celui-ci. Ouais, on peut monter à l'intérieur, voir les différentes classes et également la structure de l'avion en dessous. Ouais, alors, il n'y a pas que les avions qui veulent s'envoler. Il y avait un petit pigeon là qui est venu nous faire un coucou sur le tarmac, parce qu'il y a aussi des oiseaux qui se baladent. Comme je vous le disais, ça vit sur le tarmac. Il y a également des avions de chasse. Ça fait un peu penser à Top Gun, le film, quand on voit ces avions-là. Alors, moi, je ne sais pas lesquels ce sont exactement, parce que j'y connais rien en avion, mais ça fait penser un peu à ça. Ouais, en plus, ceux-là, ce sont des avions qui datent de la guerre froide, donc c'est un petit peu la bonne période aussi. Ouais, mais d'ailleurs, vous avez un peu une veste de pilote. Vous pilotez ou pas, blague à part? Pas encore. Pas encore, c'est un rêve? Ouais. Ouais, c'est un rêve, justement, quand on travaille ici au Musée de l'Air et de l'Espace, quand on se balade sur ce tarmac, qu'on voit tous ces avions, que ce soit des gros porteurs ou que ce soit des avions de chasse, ça donne envie de voler soi-même. Ça donne envie, ça donne encore plus envie quand on reçoit des pilotes ou des mécanos qui nous parlent de leur carrière. Et justement, c'est un métier de passionné, j'imagine. Ah oui, il faut. Ouais, parce que si on n'est pas passionné, on ne peut pas passer tout son temps dans des avions. Non, je pense pas. Ouais. Alors là, on va continuer à se balader. Je vois qu'il y a plein de gens là qui sont en train de monter dans les avions pour visiter. Il y a également ces fusées, notamment cette fusée Ariane. Alors ça, c'est une maquette, mais à l'échelle, c'est-à-dire que c'est la même fusée. C'est ça, absolument. Et on peut monter dedans, celle-ci, ou pas? Alors celle-là, non, on ne peut pas monter dedans, mais on peut s'en approcher. Alors là, cet Airbus A380, du coup, c'est pas le même que celui-ci. Il est plus gros encore, hein, cet avion-là. C'est ça, ils sont côte à côte, mais l'Airbus, au final, est encore plus gros. Ouais, c'est un avion pour transporter des gens. C'est le genre d'avion qu'on peut prendre, nous? En effet, celui-ci ne vole plus, mais il a transporté des passagers sur des longues distances surtout. Ouais. Et puis j'imagine beaucoup de passagers parce que le machin est quand même énorme. C'est fou parce que souvent, quand on monte dans un avion, qu'on part, c'est peut-être votre cas, c'est peut-être que vous venez de revenir en vacances, que vous avez pris l'avion ou vous vous apprêtez à prendre l'avion dans quelques jours. Quand on monte dedans, souvent, on est dans une passerelle, on arrive direct devant. On ne les voit pas comme ça parce que là, vu d'en dessous, j'ai envie de dire, en voyant les roues, les moteurs et tout, c'est quand même très, très impressionnant. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est qu'on s'habitue à l'échelle, mais dès qu'on regarde un petit peu plus près les avions un peu plus petits qui sont autour, comme la Caravelle, l'immensité... Ça surprend, en fait. La figure, oui, absolument. Ouais, c'est vrai, ça nous saute dans la figure. Salut les enfants, ça va? Y en a beaucoup, là, des enfants, parce que forcément, il y a des centres de loisirs qui viennent aussi du côté du musée de l'air et de l'espace au Bourget. On se retrouve dans un instant pour cette grande aventure. À tout à l'heure, David. Nous serons là, bien sûr. Dans quelques minutes, la réponse à l'une de vos questions sur les JO 2024 Paris et ses conséquences, justement, et leurs conséquences pour nous au quotidien, ce sera au micro de Thomas Etcheberry. Et puis, juste après, Joachim Garraud et Myriam Love, Runaway Heartbreak sur France Bleu Paris. Oh, not again. Falling for you. I love the things you do. It's just not enough. Joachim Garraud n'est pas un inconnu, hein. Il est arrivé à Paris en 1989, il a collaboré avec les plus grands noms comme David Guetta, Bob Sinclair ou encore Jean-Michel Jarre d'ailleurs, dont il a coproduit même le spectacle au Caire, c'était il y a quelques années, près des pyramides. Joachim Garraud avec Myriam Love, tout l'été, Runaway Heartbreak sur France Bleu Paris, il est 18h20. Je voulais vous signaler un accident qui vient de se produire et qui nous est annoncé. C'est un accident qui se trouve à l'est de Paris, sur la 104 en extérieur de Le Pin en direction de Villeparisis. Une voiture est impliquée, mais attention, la bande d'arrêt d'urgence est fermée. Ça semble commencer à bien ralentir de ce côté-là, donc soyez extrêmement prudents et vigilants. Autrement, on a toujours l'accident dont je vous ai parlé sur la 3 vers Paris. À Bondy, deux voitures sont impliquées, la voie de gauche est fermée à la circulation et puis plus au nord, on en parlait tout à l'heure également sur la 115, dans le tunnel de Taverny en direction de la province, deux voitures sont impliquées dans un accident, voilà ce qu'on peut dire à 18h21 pour le trafic et la circulation en Île-de-France. France Bleu Paris 2024. Les JO chez moi, mode d'emploi. Et aujourd'hui, c'est Quentin qui pose une question à Thomas Etcheberry à propos justement des conséquences des JO chez moi, mode d'emploi. C'est votre rendez-vous quotidien sur France Bleu Paris. Oui, bonjour, je suis Aurélien, j'ai 41 ans, je suis de Charenton-le-Pont. Ma question concerne les transports en commun et la gestion des évacuations des grands événements qu'il va y avoir pendant les JO, puisqu'on constate qu'aujourd'hui, quand se passent des gros événements, par exemple au Stade de France, quand on quitte le Stade de France, on va mettre 30 minutes, 40 minutes à rejoindre le RERB ou le RERD. Donc, quid des JO? Est-ce que ça va être les mêmes problèmes? Eh ben, c'est une très bonne question, Aurélien. Heureusement que Thomas Etcheberry est là et il vous répond. Et en plus, il a une invitée à ses côtés. Bonjour Aurélien, je vous comprends, votre inquiétude est totalement justifiée. C'est vrai que quand il y a des grands déplacements de foule comme ça en même temps, c'est pas toujours évident de circuler ou de trouver la sortie. Alors, est-ce qu'il va y avoir un dispositif particulier autour du Stade de France pour pallier à cette problématique? Émilie Defay, notre spécialiste transport et mobilité à France Bleu Paris, nous répond. Alors déjà, il faut savoir qu'il y aura de l'attente, il faut s'y préparer, c'est pas moi qui le dis, c'est Île-de-France Mobilité, l'autorité en charge des transports dans la région, parce qu'on le sait, hein, pour le Stade de France, habituellement déjà, il y a 30 minutes d'attente, hein, comme l'a dit Aurélien, alors que 60% des visiteurs seulement y vont en transport, et on sait que ce sera beaucoup plus pour les JO, donc qui dit plus de monde dit plus d'attente. Alors l'objectif évidemment, c'est de la limiter au maximum, et pour ça, on va notamment augmenter le nombre de trains sur ces lignes, on l'a déjà dit, un plus 15%. Et surtout, on va encourager les spectateurs à prendre d'autres lignes. Et alors, quelles sont ces fameuses lignes qu'il faudra préférer? Habituellement, quand vous allez au Stade de France, vous prenez le RERB, le D ou éventuellement la ligne 13 du métro. Là, l'idée, ce sera de marcher un peu plus, 15 minutes environ, pour aller attraper soit la ligne 12 à la station Front Populaire ou la ligne 14 à la future station Saint-Denis-Pleyel. L'idée qui avait été mise en place, hein, déjà pour les JO de Londres, c'est de dire: oubliez comme vous y allez habituellement, il faudra changer vos habitudes et suivre les conseils qu'on vous donne. Et pour suivre ces conseils, comment ça marche? Il y aura une application, une sorte de Waze du Stade de France? Il y aura en tout cas une application spécifique créée pour les transports pendant ces JO. Et selon l'endroit où vous allez, elle vous indiquera le meilleur itinéraire et pas d'itinéraire bis. Le but, c'est vraiment que vous n'ayez qu'une seule option afin qu'on puisse vraiment répartir les flux de voyageurs sur les différentes lignes. Et puis évidemment, en gare, il y aura énormément d'agents pour orienter les voyageurs et les inciter à marcher un peu plus, avec aussi des animations le long de ces parcours pour faire passer le temps. Ouais, ça sera pas trop, je pense, parce que ça s'évacue pas comme ça, des milliers de personnes sur une surface aussi restreinte. Le tout, c'est de le savoir et de ne pas être pris au dépourvu. Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, comme le disait Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer. France Bleu Paris 2024. Les JO chez moi, mode d'emploi. Merci à Émilie Defay et à Thomas Etcheberry pour toutes ces précisions. 18h24. Et si nous jouions un peu, il y a quand même une carte cadeau, une carte de 150 € de carburant pour l'un d'entre vous. Le regagnant sera désigné lundi à 14h50. Je vous le rappelle, il faut d'abord être sélectionné. Procédons par ordre. Je vous pose une question qui concernera Étampes, la destination de Clarisse demain matin à partir de 7h dans le cadre du Tour d'Île-de-France en 45 étapes. Elle s'arrêtera à Étampes. Alors voici la question. Combien de petites rivières la ville d'Étampes compte-t-elle? 6 ou 12? 6 ou 12? Selon vous, combien de petites rivières la ville d'Étampes compte-t-elle? Vous nous appelez très vite. Caroline vous attend au 01 42 30 10 10. Vous avez toutes les chances de donner la bonne réponse et puis surtout d'être sélectionné. Je vous rappelle que 150 € de carburant. À partir de là, vous pourrez dire vacances, j'oublie tout à votre tour. En tout cas, ça peut aider. Voici le groupe Élégance dans les souvenirs sur France Bleu Paris. J'ai la montre arrêtée, j'ai même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Regardant le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, plus besoin de se presser. Radio libre allumée, top, pas de publicité. Une chanson bien cotée, c'est le tube de l'été. Me fait flipper. De la tête en pied, je commence à ranger car ce soir terminé. Je serai sur la route avec bison futé. Je suis pas seul à rêver du ciel des palmiers et des jours sans problème. C'est la vie que j'aime. Ça c'est super, folie légère. Vacances, je vis tout. pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable, bercé par les vagues. Petit corps bronzé, dévêtu de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis: qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit: petite boîte de nuit, soirée champagne whisky. Ambiance folie toute la nuit. Ça fait des souvenirs. Marc Ritchie et Pierre Zito, autrement dit élégance. C'était en 1982, vacances. J'oublie tout sur France Bleu Paris. Bonjour Violette. Bonsoir Sophie. Violette de Chambourcy. C'est ça. Vous avez la pêche, ça s'entend. Ah bah écoutez, j'ai la chance de vous écouter, d'être sur la route, mais là je suis arrêtée. Et puis voilà, ça fait plaisir. Très bien. Journée qui finit bien. Vous rentrez du boulot ? Oui, tout à fait. Vous avez la voix d'une étudiante, dites donc. Oh, c'est gentil, pourtant je suis plus toute jeune. Hein. Ah ben ça s'entend pas, vous cachez bien votre jeu. Violette, Violette, je vous ai posé une question concernant Étampes, hein, où sera Clarisse demain matin. Et je vous ai demandé combien de petites rivières la ville d'Étampes comptait. Je vous ai donné deux propositions, 6 ou 12. Et vous avez dit 6. Et c'est une très bonne réponse, Violette. Bravo, ça veut dire que merci. Vous avez déjà passé la première étape qui concerne, qui veut dire être sélectionnée pour le tirage de lundi, pardon, à 14h50. Je vais y arriver. Oui. Il y a en jeu, je suis troublée par le cadeau, en fait. C'est ça le truc. 150 euros de carburant. Ah oui, là, franchement, c'est un beau cadeau, hein, pour l'un d'entre vous. Ouais. J'espère que ça tombera sur vous. Violette, si vous avez l'occasion de soit partir un petit peu, et ça peut donner un petit coup de main pour le carburant. Exactement. Pour le trajet, ou autrement ça peut vous permettre d'organiser un petit voyage supplémentaire, un petit week-end supplémentaire, pourquoi pas. En tout cas, je vous le souhaite et je croise les doigts pour vous, Violette. C'est très gentil, merci beaucoup Sophie, c'est adorable. Je vous remercie en tout cas d'être fidèle à France Bleu Paris, c'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Avec plaisir, voilà. Merci à vous. Merci et très belles vacances, parce que je crois qu'elles arrivent, hein, justement. C'est ça, exactement. À bientôt. Oui, courage, à bientôt. Merci. Au revoir Violette. Au revoir. Ça se passe comme ça sur France Bleu Paris et franchement c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Et si vous aimez la musique, on s'occupe de tout aussi, puisque vous avez rendez-vous, vous ne le savez peut-être pas encore, mais figurez-vous que vous avez rendez-vous avec Zaz ce week-end sur France Bleu Paris. Bonjour tout le monde, c'est Zaz. La playlist de Zaz, je prends le micro de France Bleu et vous emmène dans mon univers, dans ma playlist. On va passer une heure ensemble autour des chansons qui m'accompagnent tous les jours. Il y a des titres qui m'ont touchée, des titres qui me font vibrer, d'autres qui me rappellent des choses de mon enfance ou des choses qui m'inspirent le voyage. C'est un bout de ma vie en chansons, c'est ma playlist. La playlist de Zaz. Ah, c'est moi ? Ok, vas-y. Ce samedi à 13h, uniquement sur France Bleu. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu. Au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Paris, ici, on parle d'ici. France Bleu Paris. Le 16-19, Sophie Scarpula. Et ça passe très très vite, hein. Il ne nous reste plus qu'une demi-heure à passer ensemble au musée de l'air et de l'espace. Lui a en tout cas trouvé comment s'occuper et comment occuper superbement son été. Bah, c'est David Kolski. Et cette fois, David, vous allez vraiment nous faire vivre une aventure, hein, au Bourget. On poursuit cette aventure, hein. C'est incroyable parce que là, j'étais encore il y a quelques instants dans une immense salle à côté du tarmac où j'ai vu les deux Concorde, hein, qui sont un petit peu le fleuron de l'aviation française qu'on peut voir ici au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Et là, j'ai rendez-vous avec Delphine Rochelle qui est en charge des actions pédagogiques et culturelles. Bonjour. Bonjour. C'est quoi cette petite valise? C'est pour moi? C'est un cadeau? Tout à fait. Ce sont des mallettes pédagogiques que l'on propose aux familles au musée. En arrivant, elles peuvent demander 5 thématiques différentes et elles embarquent une mallette au choix. Et elle parcourt l'exposition en faisant des petits jeux tout au long du musée. C'est surtout pour les enfants, c'est à partir de quel âge ça? C'est à partir de 4 ans, donc pour les petits-enfants. Et les grands quand même, allez. Moi je prends ma mallette. Hop. Voilà, donner c'est donner. Hein. Et on se retrouve dans un instant en direct aux côtés de Delphine, ici au musée de l'air et de l'espace du Bourget. À tout de suite. Pas folle la guêpe, on vous la fait pas. Hein. Dès que c'est donné, hop, c'est emporté. En tout cas, voilà, vous l'avez mérité parce que vraiment, vous nous avez fait vivre. Et c'est pas terminé, de jolies balades. On se retrouvera tout à l'heure avant 19h pour la dernière fois de la journée. Nous jouerons également avant 19h, toujours bien sûr, parce que toutes les occasions de gagner 150 euros de carburant sont bonnes à prendre et à tester. Tout cela sans oublier une page de l'histoire du PSG racontée par Thierry Boeuf après la sublime voix d'Adèle. Écoutez, c'est Rolling in the Deep sur France Bleu Paris. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of Ah ben c'est avec ce titre-là et un clip en noir et blanc d'ailleurs que nous avons découvert la superbe voix d'Adèle, artiste britannique Rolling in the Deep sur France Bleu Paris. Il est 18h36. Allez, là, c'est la toute dernière, David Kolski, les derniers moments de votre découverte du musée de l'air et de l'espace au Bourget. C'est un peu ambiance cadeau, hein, finalement, David. Je suis tout content parce que pour une fois, c'est moi qui ai un cadeau. Écoutez, ça. Voilà, on a offert une belle mallette ici au musée de l'air et de l'espace du Bourget parce que, dans l'absolu, hein, c'est toujours nous qui vous faisons des cadeaux, à vous qui nous écoutez peut-être dans la voiture ou à la maison sur France Bleu. Bah là, c'est moi qui ai eu mon petit cadeau par Delphine Rochelle qui est en charge des actions pédagogiques et culturelles. Cette mallette, toutes les familles peuvent la récupérer à l'accueil. C'est à partir de 4 ans. On peut l'ouvrir. Il y a quoi dedans? Oui, bien sûr, on peut l'ouvrir. Alors, les familles et les enfants ont accès à un mode d'emploi déjà et à plein de petits dispositifs de jeux, de questions pour agrémenter leur visite dans tous les halls. Ouais, non mais c'est sympa, je vois qu'il y a aussi des petites pièces, là il y a un petit crayon. Le savais-tu? Observe les avions de ce hall, chacun d'entre eux possède un insigne est un symbole. Et puis alors là c'est quoi? Apprends à dessiner un avion, on peut vraiment dessiner dessus? Voilà, tout à fait, l'enfant a toutes les étapes pour dessiner son propre avion. Oh, mais c'est génial ça, je peux la garder la mallette? Non, cette mallette on ne peut pas l'emmener chez soi, reste au musée, elle est empruntée. C'est dommage, et alors là je vois qu'il y a des petits magazines, ça c'est quoi? Alors ici, nous avons 4 livres et jeux à destination, cette fois-ci, des enfants à partir de 7 ans. Et ça, on peut garder? Tout à fait, c'est offert à l'entrée du musée et l'enfant garde un bon souvenir du musée. Donc je peux en avoir un, ça? Tout à fait. Ah bon, bah, c'est bien, voilà. Alors j'ai mon petit cadeau, alors je regarde, c'est hyper bien fait ce fascicule. Les grands noms de l'aérospatiale, j'ouvre, mon nom est Louis Blériot, je suis un des premiers pilotes français après avoir travaillé. Il y a beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations, beaucoup de dessins, c'est vraiment très très bien imaginé pour les enfants, hein. Oui, c'est imaginé par l'équipe de médiation du musée, donc c'est vraiment adapté à chaque niveau. Ouais, et puis je vois qu'il y a des petits quiz dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour ceux qui nous écoutent sur France Bleu Paris et qui veulent venir découvrir ou redécouvrir peut-être le musée de l'air et de l'espace du Bourget cet été? Il y a des séances de planétarium tous les jours et le premier et troisième dimanche de chaque mois, sauf le samedi. Et nous avons également un espace ludo-éducatif qui est Planète Pilote, 40 manipulations en accès de manière autonome. Et sur réservation à l'accueil du musée. Ah oui, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Le planétarium, c'est la grosse boule que j'ai vue sur le tarmac après avoir vu les Concorde et les autres avions. C'est immense. On voit 360 degrés dedans? Oui, tout à fait. C'est un dôme où on voit 360 degrés. Moi, je suis venu très souvent au musée de l'air et de l'espace, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Faut absolument le faire, j'imagine. C'est l'activité phare du musée, effectivement. D'accord. Donc le truc phare du musée, c'est ce que j'ai raté. Ouais, mais en même temps, voilà, je peux pas tout faire. Je vais être obligé de revenir finalement. C'est le but. Ouais. Et alors, dans cette salle de manipulation dont vous parliez là, vous disiez, on peut faire 40 opérations, c'est-à-dire plus exactement? Ce sont des manipulations destinées aux enfants, dont des activités autour de l'espace et de l'aviation. Monter dans un petit avion, des simulations de pilotage, rentrer dans un cockpit. Tout ça pour les enfants, ils peuvent vraiment conduire des avions? Oui, en tout cas, c'est simulé, oui. Oh, c'est génial. Moi, j'aurais adoré, quand j'étais gamin, pouvoir conduire un avion. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Est-ce qu'on a tout balayé? Ah bah si, il y a aussi la médiathèque ludothèque. J'ai été faire un tour tout à l'heure. Ça, c'est la lecture dans les nuages. Hein. Ça, c'est l'espace pause pour les familles, très intéressant, où les enfants peuvent prendre un livre, s'asseoir, consulter des vidéos et jouer sur des bornes d'arcade dans la ludothèque. Ouais, et pendant ce temps-là, les parents, ils peuvent se reposer ou lire un livre, mais se reposer aussi. Hein. Et se reposer, effectivement. Ouais, parce qu'on court beaucoup, c'est immense ici, il y a énormément de choses à découvrir. C'est vrai que se reposer un moment pour papa, maman, papy, mamie, c'est plutôt pas mal. On reviendra de toute façon au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Je vous conseille absolument de venir cet été parce que c'est plus qu'un voyage, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on fait ici. On s'envole finalement toujours plus haut. Nous, on se retrouve très très vite pour de prochains voyages finalement dans la région sur France Bleu Paris. Ah bah, ce sera pas plus tard que demain. Je sais pas s'il y aura un cadeau à la clé. En tout cas, aujourd'hui, vous l'avez bien mérité. Merci d'ailleurs pour tous ces jolis moments que vous partagez avec nous depuis le début de l'été, hein, David. Demain, ce sera un petit peu la croisière s'amuse dans la radio puisque nous suivrons ça de très près. Évidemment, David, on vous suit toujours sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et en podcast sur francebleu.fr et sur l'appli Ici. À suivre dans quelques minutes, comme promis, une page de l'histoire du PSG, c'est PSG Vintage avec Thierry Boeuf qui reviendra sur l'éviction de l'entraîneur Georges Perroche. Et puis nous jouerons, mais attention, ce sera la dernière occasion pour vous d'être sélectionné et de participer au tirage de lundi à 14h50. Avant ça, bah, les très jolies voix se succèdent. Après Adèle tout à l'heure, il y a quelques minutes, voici Santa qui chante Popcorn Salé sur France Bleu Paris. J'pourrais jouer le faux héros, milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds. Ouais. Je pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux. Remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh, allez viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh, allez viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds. Titre qui figure déjà sur la compile de l'été France Bleu 2023, Santa avec Popcorn Salé sur France Bleu Paris. Le 16-19 de France Bleu Paris. Le livre de souvenirs du PSG est très épais. Thierry Boeuf avait donc l'embarras du choix et il revient sur l'éviction de l'entraîneur Georges Péroche. C'était en 1985. Ça chauffait déjà au PSG. PSG Vintage sur France Bleu Paris. Sport, Johan Cruyff va-t-il venir au PSG? Mbappé, Messi, Neymar et 1-0. J'ai regardé le match et j'ai compris comment on devenait cardiaque. Avalanche de buts hier soir au Parc des Princes à Paris. Bienvenue à Paris, Renato! Toi, tu me fais de l'électricité. Salut à tous les supporters, mars 1985. Rien ne va plus au PSG. Plus d'étincelles, plus de jus, nada, Parc des Princes, morne pleine. Le président Francis Borrelli n'a qu'une solution, se séparer de son entraîneur Georges Péroche. Mais cela va-t-il suffire? Pas sûr. Invité sur France Inter dans le journal de Patrice Bertin, Borrelli s'explique au micro de Christian Villeneuve, très incisif avec le président du PSG. Du coup, l'électricité revient. Il fallait qu'une décision soit prise. J'ai décidé que M. Péroche ne serait plus l'entraîneur. Paris est 12e. Nous ne pouvons pas rester 12e. Il fallait faire quelque chose. J'ai pris cette décision. Mais Péroche, c'est vous qui l'avez engagé. C'est vous également qui avez engagé les joueurs, qui avez fait le recrutement. Est-ce que ce n'est pas aussi, d'une certaine façon, votre échec à vous? Écoutez, moi j'ai une manière optimiste de voir les choses. Moi, je je dirige, je commande. À partir de là, il me fait prendre des décisions, mais je ne juge pas. Ça fait 7 ans que vous êtes à la tête de ce club. Vous êtes rendu à combien d'entraîneurs ? Posez une colle, tellement il y en a moins que vous pensez. Je m'amuse à vous poser la même question. Combien pensez-vous qu'il y en a eu jusqu'à maintenant pour me poser une telle question ? Non, mais moi, je ne suis pas président du club. L'entraîneur est toujours le bouc émissaire, le président reste toujours. Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Pourquoi parler de bouc émissaire ? C'est la logique qui nous inspire, qui nous ordonne à faire ainsi. Un peu fâché, Borrelli. On lui signale quand même que c'est le 9e entraîneur au PSG. Espérons que les joueurs du Paris Saint-Germain vont se remettre à marquer des buts, car sinon, c'est Christian Coste, le nouvel entraîneur, qui se trouverait logiquement à son tour sur le banc des accusés. Oui, en tout cas, sur le banc de touche, fallait pas trop le titiller, hein, Francis Borrelli, un volcan jamais éteint. Christian Coste remplacera Georges Perroche, mais la mayonnaise ne prendra pas. Le PSG terminera la saison 84-85, 13e du classement première division. Voilà pour ce souvenir du PSG. Demain, c'est sur une affiche que se penchera Thierry Boeuf. PSG Sochaux, c'était en 1988. À demain, Thierry, sur France Bleu Paris. Et si nous jouions ? Oui, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué. Ça fait quoi ? Ça fait une vingtaine de minutes, on va dire. Et j'ai toujours une carte cadeau de 150 euros de carburant pour l'un d'entre vous. La première étape, c'est d'être sélectionné en répondant correctement à une question que je vous pose. Vous passez cette étape, et ben vous serez automatiquement sur la liste magique. Le tirage aura lieu lundi à 14h50 aux côtés de Catherine Quicandon. Et puis l'un d'entre vous gagnera donc cette carte cadeau pour 150 euros de carburant, ce qui vous permettra peut-être de vous échapper. Hein. Tout le monde n'a pas pu partir en vacances cet été. Ou alors si vous rentrez de vacances, ça vous permettra de repartir. Pourquoi pas ? Écoutez cette question, elle concerne la ville des Tempes, où Clarisse de Lezève sera demain matin à partir de 7h. Voici la question. Au Moyen-Âge, Étampes était le plus grand centre d'approvisionnement de la région. Oui, mais de quoi ? D'huile d'olive ou de céréales ? D'huile d'olive ou de céréales ? Petit indice, graminée. Graminée. J'ai cru voir un graminé. 01 42 30 10 10. Caroline vous accueille. Allez-y, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir aussi. Appelez-nous et puis vous serez ainsi probablement sélectionné pour ce tirage de lundi. C'est un beau cadeau pour l'un d'entre vous. 150 euros de carburant, lundi, tirage. Mais en attendant, c'est la sélection. 01 42 30 10 10, Caroline vous accueille. Voici Francis Cabrel sur France Bleu Paris. On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà, boule de femme comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même un autre éclat depuis toi. Les hommes poursuivent ce temps qui court. C'est tout vert par en Quel parcours quand même ce Francis Cabrel. Sarbacane, c'était le 7e album de Francis Cabrel en 1989 et en extrait Sarbacane sur France Bleu Paris. Bonjour Nelly. Oui, bonjour. Nelly, vous nous appelez de l'Oise. Absolument. Qu'est-ce que vous faites en fin d'après-midi comme ça, un mercredi ? Eh bien, tout simplement, je reviens d'un endroit qui s'appelle En Passant. Je suis allée chercher des fruits et des légumes bio. Et je rentrais chez moi et c'est la première fois que je fais une tentative. Ah, donc, bah c'est très bien. Formidable. Qu'est-ce que vous avez rapporté ? La chance, le sourire. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez rapporté comme fruits et légumes, là ? Quelles bonnes affaires avez-vous fait ? Les légumes de saison, courgettes, donc tomates, de l'ail frais. Qu'est-ce que j'ai pris ? C'est bien parti pour une ratatouille, là, déjà. Des poivrons, enfin, un petit mélimélo. Oh, bah, c'est très bien. Ça doit sentir très bon, hein, parce qu'en général, les produits qu'on va chercher comme ça sentent très très bon, contrairement à ceux qu'on trouve en supermarché. Je ne veux pas le dire trop fort, mais c'est un peu la vérité quand même. Hein. Je partage volontiers cet avis, je proscris, sur ça. Voilà, exactement. Nelly, j'ai posé une question qui concerne la ville d'Étampes, où sera Clarisse de Lezèvre demain. J'ai demandé, j'ai dit qu'au Moyen-Âge, Étampes était le plus grand centre d'approvisionnement de la région de quelque chose, d'huile d'olive ou de céréales. Que répondez-vous ? Nelly ? Ah, on a perdu Nelly. Nelly ? Bon, en tout cas, Nelly a donné la bonne réponse au standard. Ça, c'est sûr, c'est vérifié, c'est validé, hein. Caroline me fait oui de la tête. C'était les céréales. Nelly a donné la bonne réponse. Nelly est totalement rajoutée à la liste, évidemment, de tous les gagnants qui participeront au tirage de lundi. C'est important. Et d'ailleurs, je reviens sur les céréales. C'est ce qui a permis à Étampes d'aménager un port fluvial, vous voyez. C'est parce qu'il y avait toutes ces céréales à transporter. Merci, Nelly, de votre appel. Désolée d'avoir été coupée avec vous. Vous revenez quand vous voulez. Nous, on va refermer cette page avec Matt Pokora ou M. Pokora. Vous choisissez le nom que vous voulez. En tout cas, c'est le même garçon et il chante « Parce que c'est toi » sur France Bleu Paris. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, évidemment c'est toi, on aura des victoires malgré nos défaites. Je resterai là, et dans tes beaux yeux je vais y semer des millions d'étoiles. N'oublie pas, n'oublie jamais. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Je t'ai dans le cœur, je t'ai dans la tête. Je te vois partout, tes yeux dans mes yeux et le temps s'arrête. J'en deviens fou, quand j'étais cassé, t'as su me donner un nouveau souffle. J'oublie pas. Non, j'oublie jamais. J'peux pas douter, dès que j't'ai vu, j'ai su que t'étais la bonne. Tombée du ciel, j'étais perdue, mais t'as su changer la donne. Partout où j'vais, j'sens ta présence, j'entends ta voix qui résonne. J'ai besoin de toi pour exister. Et tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil.